نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد طيب نبدأ بحول الله جل وعلا درسنا في شرح مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وقد وصلنا إلى قول المصنف في مقدمته لما ذكر أن الإيمان أو ذكر ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة وذكر الشارح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أنه لابد من النطق بالحق مع اعتقاده بالقلب لأنه ليس المقصود النطق باللسان فقط وقد ذكرنا هذا فيما سبق Donc on reprend les frères là, on continue inshallah l'explication de la muqaddima de l'introduction de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani et la fois dernière donc on avait commencé à lire le début hein, on avait commencé à lire le début de la muqaddima et donc on avait dit que vous pouvez voir que certains savants, eux, ont commencé leur explication. Ont commencé l'explication lorsqu'ils ont commenté la Muqaddima d'Ibn Abi Zayd. Ils ont commencé directement l'explication de la Muqaddima. C'est-à-dire par ce qu'on a commencé la fois dernière. Lorsque l'auteur dit Rahimallah, Babu, ma tantiqu bihi al-alsina wa ta'taqiduhu al-af'ida min wajib al-umur al-diniyat. Et certains savants ont commencé leur explication à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que c'est là que débute, ici, l'introduction, l'œuvre de Ibn Abi Zayd. Et ce qu'on a étudié dans ce qui a précédé, on avait étudié d'abord l'introduction, Cheikh Al-Fawzan avait introduit, hein, avait fait une introduction, on avait étudié cette introduction, et ensuite on a étudié, ici, sorte de présentation de l'auteur lorsqu'il s'adresse à son shir, à son muallim qui lui a justement demandé de rédiger ce livre. Et donc c'est maintenant que commence maintenant l'écrit, si vous voulez, la muqaddima, elle commence dès maintenant, c'est-à-dire lorsque l'auteur dit babu ma tantiqu bihi al-alsinatu wa ta'taqidu al-af'ida min wajibi umur ad-diniyat aw ad-diyanat. Et de là il commence son épître en disant ce que les langues doivent prononcer et les cœurs doivent croire dans la religion. Tayyib. Donc la fois dernière, on avait commencé à expliquer l'intitulé. Ensuite, on est arrivé lorsque l'auteur dit ومن ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان وأن الله إله واحد لا إله لا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. Et on s'est arrêté là. Donc on avait commencé à mentionner ce que l'auteur dit lorsqu'il dit et parmi cela, donc il débute en disant ce que les langues doivent prononcer, les cœurs doivent croire dans la religion. Et parmi cela, il y a le fait d'avoir foi par le cœur et de formuler par la langue qu'Allah est l'adoré unique et nul n'adoré véritable si ce n'est lui et nul ne lui ressemble, nul ne lui est comparable, il n'a ni d'enfant, ni père, ni compagne et il n'a point d'associé. il n'a point d'associé. Et on s'est arrêté la fois dernière, ici. Donc comme on avait dit la fois dernière, on voit que l'auteur a mentionné le fait qu'Allah Jalla wa Ala est l'adoré unique. Subhanahu wa ta'ala, il est l'ilah. L'ilah, et comme on avait dit, c'est al-ma'boud. C'est pour cela qu'on avait dit que ma'na la ilaha illallah bima'na la ma'bouda. La ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a nul adoré véritable si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on avait dit que après que l'auteur est affirmé et confirmé al-uluhiyya lillahi subhanahu wa ta'ala, ensuite il a nié certaines choses, certains points. Donc il a d'abord affirmé al-uluhiyya lillah. Il a affirmé qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'adoré véritable. Il est celui qui mérite l'adoration, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit « Anna Allah ilahun wahid ». Allah est l'adoré, c'est-à-dire le Seigneur unique, celui qui mérite l'adoration, c'est l'adoré véritable. Et nul adoré en dehors de lui. On peut maintenant, à présent, lorsqu'on a compris cela, rester sur le terme en arabe. On peut rester sur le terme en arabe qui est le mot exact « al-ilah ». Al-ilah, qu'on avait dit, a le sens de « al-ma'lou ». Al-ma'lou, c'est-à-dire « al-ma'boud », l'adorer. Donc à présent, on va rester sur le terme « al-ilah ». Surtout comme vous allez voir dans ce qui va suivre, dans le domaine de la croyance, il y a certains sujets où il est préférable de rester sur les termes employés en arabe. Les préférables, une fois qu'on a compris le sens du terme, alors à présent on peut rester sur le terme en arabe. Comme par exemple, lorsqu'on dit « al-iman », on explique qu'est-ce que l'iman, mais ensuite on peut rester, il est préférable de rester sur le terme « al-iman ». Et de ce fait, regardez, l'auteur, il dit, d'abord, il affirme al-uluhiyya lillah, ensuite il va nier certaines choses. Et de ce fait, on avait dit, il va nier sept choses. Donc il y a sept points qui vont suivre. Regardez, lorsqu'il dit, premièrement, il dit, wa la ilaha ghayru. Et il n'y a nul adoré en dehors de lui, premièrement. Deuxièmement, il dit, nul ne lui ressemble. Deuxième point. Troisième point, il dit, nul ne lui est comparable. Quatrième point, il dit, ni il n'a d'enfant. Cinquièmement, ni il n'a de père. Sixième point, ni il n'a de compagne. Et septièmement, il n'a ni d'associé. Vous avez vu, l'auteur a affirmé al-uluhiyya lillahi subhanahu wa ta'ala et ensuite a nié ces sept points, ces sept choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, Ash-Shir dit dans son commentaire, ensuite il explique kama anna Allah jalla wa ala la ma'bouda bihaqqin illa hu ou la ma'bouda bihaqqin illa huwa wa ma'ubida min duni فهو باطل وذلك انه لا شبيه له ولا نظير له فيقاس به او يسوى به فيعبد معه قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc comme Allah subhanahu wa ta'ala, on a la conviction, donc vous avez vu hein, maintenant vous comprenez qu'on est dans le domaine de la croyance, on est en train d'apprendre la croyance du musulman et de la musulmane, la croyance ici islamique, la bonne croyance. Donc notre croyance, c'est qu'Allah Jalla wa Ala est l'adoré unique, wal ilah al-ma'lou. Et de ce fait, il n'y a nul adoré en dehors de lui. Et comme il n'y a nul adoré en dehors de lui, nous croyons aussi qu'il n'y a nul semblable à lui. Subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que comme nous croyons qu'Allah Jalla wa Ala, il n'y a nul adoré et nul Seigneur en dehors de lui, nous croyons ensuite aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Et donc aussi, rien ne lui est comparable. Et c'est pour cela que ça, c'est très important d'avoir cette croyance-là et ces convictions-là. Comme nous savons et nous croyons que il n'y a nul adoré en dehors de lui, de même, nul n'est comparable à lui et nul ne peut lui ressembler, subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, c'est pour cela que Allah Jalla wa Ala, dans un verset, dit « Hal ta'lamu lahu samiyya » Est-ce que vous lui connaissez un semblable, une traduction relative du verset, et « as-sami » ce qu'on dit en arabe lorsqu'on dit « as-samiyyu » ou « al-mushabah lahu » Lorsqu'Allah dit « Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous lui connaissez lahu samiyya » As-samiyyu, c'est quoi ? C'est celui qui lui ressemblerait. Ay la shabiha lahu. On comprend donc que rien ne lui est comparable et rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. La shabiha lahu wa la ta'lam man yastahiq al-ibadata siwa. Et dans le sens que tu ne peux connaître un autre qui mériterait l'adoration en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Regardez, comme le fait lorsque il est dit, vous lui connaissez, connaissez-vous, ou plutôt, connais-tu un semblable à lui, dans le sens que rien ne lui est semblable, et rien aussi ne mérite donc l'adoration d'être adoré en dehors de lui. Et, kama qala jalla wa ala, ensuite, l'auteur dit wala walada la wala walida la. L'auteur nous dit que si Allah Jalla wa Ala n'a ni enfant et ni père ni compagne. Et il y a un verset célèbre hein, dans Sourate Al-Ikhlas lorsqu'Allah dit lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Et lorsque Allah dit Subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad, n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté, ça veut dire que, Cheikh nous dit, laysa lahu bidaya, wa laysa lahu nihaya. Ni il a de début, ni de fin. Subhanahu wa ta'ala, laysa lahu bidaya, wa laysa lahu nihaya. Cheikh al-Fawzan dit, que cela implique qu'il n'a ni de début ni de fin. Subhanahu wa ta'ala. Wa laysa lahu shabih min khalqihi. Et de ce fait, il n'y a personne parmi ces créatures qui lui ressemble. Et li'anna al-walad shabih bil-walid. Et regardez, c'est très pertinent, lorsque Cheikh al-Fawzan se base sur ce verset. Lorsqu'Allah dit « Lam yalid wa lam yulad » Ni l'enfanté, ni n'était enfanté, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, donc il nous explique que « Laysa lahu bidaya wa laysa lahu nihaya » Ensuite, regardez, il dit « Et personne donc parmi ces créatures ne lui ressemble. » Personne donc parmi ces créatures ne lui ressemble. Mais quel est le lien entre ce verset « Lam yalid wa lam yulad » Ni l'enfanté, ni n'était enfanté. Pourquoi Cheikh al-Fawzan se base sur ce verset pour dire, eh ben, aucune de ces créatures lui est semblable ou lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Vous savez comment, sur quoi il se base sur ce verset? Vous savez? Arsène, parce que regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, لِأَنَّ الْوَلَدْ شَبِهْ بِالْوَالِدْ Parce que l'enfant peut ressembler à son père. L'enfant, il peut ressembler à son père. Et l'enfant est une partie de lui. Wa qala ta'ala wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a. Vous avez vu lorsqu'il dit en arabe li'anna al-walad shabih bil walid wa juz'un minhu wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a. Et ils lui ont assigné parmi ses serviteurs une partie, c'est-à-dire une partie, juz'a, partie d'entre eux. Yarni waladan, c'est-à-dire un enfant. Regardez dans le verset lorsqu'Allah dit waja'alu lahu, et ils lui ont assigné en quelque sorte min ibadihi juz'a. Je vous le traduis de manière littérale le verset. Donc c'est le verset 15 dans sourate Az-Zukhruf. Allah dit et ils lui ont assigné min ibadi, parmi ses serviteurs, juz'a. On reste le terme en arabe. Une partie. Dans le sens ici, un enfant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour cela, a nié cela en disant, lam yalid wa lam yulad. Ni il n'a enfanté, ni il n'a été enfanté, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que, fal waladu juz min al walid. Parce que l'enfant, c'est une partie du père. Wahada, et donc dans cela, on a une réfutation à tous ceux qui ont attribué un enfant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans les nations précédentes et les communautés précédentes, Iblis a fait tomber certaines nations, alors qui, à la base, étaient sur le monothéisme pur, et leur prophète, les a appelés au monothéisme pur, à n'adorer qu'un seigneur unique. Et ben, ensuite, Iblis les a fait dévier en assignant à Allah subhanahu wa ta'ala un enfant. Comme ça s'est produit pour An-Nasara, par exemple, lorsqu'ils ont attribué Al-Masih. Ils ont dit Al-Masih ou Abnullah. Lorsqu'ils ont dit que Isa ou Al-Masih, c'est le fils d'Allah. Comme ceux qui ont dit Uzair Ibnullah. Al-Yahoud, lorsqu'ils ont dit Uzair Ibnullah, ils ont attribué un enfant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même, on avait aussi, dans l'histoire, vous avez aussi les polythéistes arabes. Les polythéistes arabes, eux, ont attribué les anges comme étant les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le cheikh nous dit ورد فهذا رد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله تعالى عما يقولون ورد على المشركين من العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله فالذين أثبتوا الولد لله نوعان. C'est pour ça qu'aussi dans ce verset لم يلد ولم يولد, il y a une réfutation, une réponse ici à ceux qui ont assigné ou attribué un enfant à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'ont fait les communautés et les nations précédentes, comme l'ont fait aussi les polythéistes arabes. Lorsqu'ils ont dit, les anges sont les filles. Banatullah sont les filles d'Allah. Et ce verset donc, répond, lam yalid wa lam yulad, est une réfutation à ceux qu'on vient de mentionner. ولذلك قال الشيخ الفوزان والله جل وعلا رد على الفئتين لم يلد ولم يولد. Donc là vous avez une preuve aussi bien que Allah n'a pas enfanté, il n'a ni été enfanté, et vous avez une preuve aussi que Allah جل وعلا rien ne lui est semblable. On vous posera la question, mais quelle est la preuve dans le verset que rien ne lui est semblable, c'est-à-dire où est-ce qu'on trouve dans le verset, où est l'indication dans le verset que rien n'est semblable à Allah? On vient de l'expliquer. Si on assigne un enfant à Allah, donc là, ensuite, il y aura ressemblance. Pourquoi? Parce que l'enfant est une partie du père et l'enfant peut ressembler à son père. Lorsqu'Allah dit « Lam yalid wa lam yulad », il n'a ni été enfanté, ni n'a enfanté, ni n'a été enfanté, alors, ça nie ce qu'on vient de me mentionner, et ça, il y a une négation aussi du fait que ces créatures peuvent lui ressembler. Wadih al-kalam? Et ça, c'est une bonne déduction de Cheikh al-Fawzan qui est très pertinente. Regardez ce qu'il dit. Il dit aussi, فَاللَّهُ لَيْسَ لَهُ وَلَدْ. Et des gens pourraient se poser la question. Le fait que les musulmans croient au fait qu'Allah Jalla wa Ala, c'est leur conviction, c'est leur croyance. Vous avez vu, l'auteur commence en mentionnant cela. Le fait qu'Allah Jalla wa Ala n'a pas été enfanté, il n'a ni enfanté, Allah Jalla wa Ala n'a pas d'enfant. Certains pourraient se poser la question, mais parmi les raisons, comme on vient de mentionner, rien ne peut lui ressembler, et rien ne lui est semblable, mais aussi, regardez, لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَاجَةٍ إِلَى الْوَلَدِ. Allah Jalla wa Ala n'a pas besoin. Il se passe du fait d'avoir des enfants. Il se passe, subhanahu wa ta'ala, de cela. Allah Jalla wa Ala n'a pas besoin, subhanahu wa ta'ala. لَيْسَ بِحَاجَةٍ إِلَى الْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَلَدِ يُشْبِهِ الْوَالِدِ وَهُوَ جُزٌ مِنْهُ. En plus du fait aussi que l'enfant peut ressembler à son père, il est une partie de lui. وَاللَّهُ لَيْسَ لَهُ جُزٌ مَخْلُقُ وَلَا شَبِهِ. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, لَيْسَ لَهُ جُزٌ مَخْلُقُ وَلَا شَبِهِ وَالْوَلَدِ شَرِكُ لِلْوَالِدِ. Et aussi, vous savez que l'enfant souvent est associé à son père. Et l'enfant est affilié à son père. Sahulala. Et bien Allah, Jalla wa Ala, rien n'est associé à lui. Wadah al-Kalam, Allah, Jalla wa Ala, rien n'est associé à lui, subhanahu wa ta'ala. La sharika lahu fi rububiyatihi, wa uluhiyatihi, wa asma'ihi wa sifatihi, fa huwa munazzahun anil walid wal walad. C'est-à-dire que rien ne peut lui être associé. Allah n'a point d'associé dans la seigneurie, dans sa seigneurie, dans sa divinité, dans ses noms et ses attributs. فَهُوَ مُنَزَّهُنْ عَنِ الْوَالِدِ وَالْوَالَدِ. Ensuite, l'auteur dit, il n'a ni de compagne. يَعْنِي لَيْسَ لَهُ زَوْجَ. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'épouse. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ وَلَدْ وَهُوَ لَيْسَ لَهُ زَوْجَ. Et comment il aurait pu avoir un enfant alors qu'Allah Jalla wa Ala n'a pas d'épouse. أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَحِبًا. Même Allah le dit dans le verset 101 de Sourate Al-An'am, il dit, et comment est-ce qu'il aurait pu avoir un enfant وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَحِبًا alors qu'Allah n'a pas de compagne, subhanahu wa ta'ala. فَهُوَ لَيْسَ بِحَاجَةٍ إِلَى الْمَخْلُقِينَ. Du fait qu'Allah Jalla wa Ala n'a pas besoin des créatures, subhanahu wa ta'ala. Et ça, on insiste sur ça. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la croyance, des choses qu'on doit savoir en priorité. Ça, c'est des choses importantes. Et vous avez vu que le livre a été écrit justement pour être enseigné. Et ça fait partie, donc si l'auteur a mentionné cela, pourquoi? Parce que ça fait partie des priorités. Et vous allez voir les questions qui suivent. Ensuite, là, l'auteur commence. Donc, lorsqu'il dit que Allah Jalla wa Ala n'a pas de compagne, Allah n'a pas besoin de créature. Laysa bihajatin ila zawj. Tayyib. Une personne poserait une question. Mais pourquoi Allah Jalla wa Ala, le Seigneur, n'a pas de compagne, d'épouse? Est-ce qu'Allah Jalla wa Ala a besoin de ses créatures? Là. Est-ce qu'Allah a besoin d'une compagne ou d'une épouse? Là. N'a pas besoin. لَيْسَ بِحَاجَةٍ إِلَى الزَّوْجَةِ وَلَيْسَ بِحَاجَةٍ إِلَى الْوَلَدِ. Comme on a dit précédemment, Allah n'a pas besoin d'avoir un enfant et n'a ni besoin d'avoir une épouse, subhanahu wa ta'ala. وَلَيْسَ بِحَاجَةٍ إِلَى خَلْقِهِ مُتْلَقًا. Et d'une manière absolue, Allah n'a pas besoin de toutes les créatures. D'une manière absolue. Allah se suffit par lui-même, subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّهُ الْغَنِي وَهُمُ الْفُقَرَى الْمُحْتَاجُونَ إِلَيْهِ. Parce que la différence, c'est pour cela qu'on ne peut pas comparer le créateur avec les créatures. La différence, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ghani. C'est celui qui se passe de tout, c'est celui qui détient tout. Tandis que ces créatures, eux, sont al-fuqara, les indigents. Ceux qui sont pauvres par rapport à lui. C'est ceux qui ont besoin justement de leur Seigneur et de leur Créateur, subhanahu wa ta'ala. À la différence donc, les créatures ont besoin de leur Seigneur. Donc on voit D'une manière générale, Allah Jalla wa Ala n'a pas besoin d'associés. Personne participe avec lui dans la création. Lorsqu'Allah a créé les cieux et la terre, a créé les hommes, les êtres, personne n'a participé à cette création. Allah a créé les cieux et la terre seul, subhanahu wa ta'ala. Il est l'unique créateur, Jalla Jalalu. Personne n'a participé avec lui dans la création. Donc personne ne peut s'associer à lui donc dans la seigneurie. Personne ne peut s'associer à lui dans, lorsqu'on dit dans l'uluhiyya. L'uluhiyya, pourquoi ? Personne n'a participé avec lui dans la création. Dans la création des cieux, de la terre, des mers, des océans, de tous les êtres vivants. Personne n'a participé avec lui. Donc est-ce que autre que lui pourrait mériter l'adoration ? Là. Donc comme personne n'a participé avec lui à la création, comme il est le seul, personne n'était associé à lui dans cela, personne ne peut être associé à lui dans l'adoration. Subhanahu wa ta'ala. Et de même, donc, personne ne peut être associé à lui donc comme enfant, comme parent, on ne peut lui assigner un enfant, un parent. De même, rien lui est semblable. Et de même, la sharika lahu fi asma'ihi wa sifatihi. Et de même, nul n'associe à lui dans ses noms et ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. La ahad yushabih. Fala sharika lahu. La fi dhatihi wa la fi asma'ihi wa sifatihi wa la fi ibadatihi. Tous ces domaines. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Et là, il y a quelque chose de très important. On observe que l'auteur a vraiment bien exprimé la notion de tawhid. Diront-ils les gens que l'imam Ibn Abi Zayd était wahhabi? Pourquoi on dit cela? Parce que l'auteur a mentionné les trois catégories de tawhid célèbres. Al-tawhid al-rububiyya, wal-uluhiyya, wal-asma wal-sifat. C'est pour ça les frères qui font l'effort de mémoriser et d'apprendre la muqaddima par cœur, là, juste dans cette, si on peut dire phrase, hein, cette jumla, regardez, l'auteur, lorsqu'il définit, là, il parle du tawhid. Et il va rassembler les trois formes du tawhid, de tawhid célèbre. Rububiyya wal uluhiyya wal asma wa sifat. Regardez lorsqu'il dit wa anna Allaha ilahun wahid la ilaha illa hu aw ghayruhu la shabiha lahu wa la nadhira lahu wa la walada la wa la walida la wa la sahibata la wa la sharika lahu. Donc il a réuni les trois catégories de tawhid. Et ces trois catégories donc de tawhid, contrairement à beaucoup qui ont voulu définir le tawhid, malgré leur croyance au tawhid, beaucoup ont voulu définir le tawhid, mais à travers leur définition, ces définitions-là n'ont compris que certaines catégories, elles comprenaient que certaines catégories de monothéisme et de tawhid. Et c'est pour ça qu'on voit dans de nombreux livres où il y a une incompréhension véritable ou bien complète du tawhid, on voit que certains, lorsqu'ils définissent at-tawhid, ils ne le définissent qu'en mentionnant at-tawhid al-rububiyya ou at-tawhid al-asma wa sifat, en délaissant le tawhid de l'adoration et de la divinité. Donc le fait de définir le tawhid en incluant seulement le tawhid de la seigneurie et de l'asma au sifat, eh bien cela n'est pas complet. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que pour donner un associé à Allah, Jalla wa Ala, donc il faudrait seulement lui donner un associé dans la seigneurie ou dans l'asma au sifat. Selon cette conception-là, donc le shirk, ça serait que lié à la seigneurie ou bien dans l'asma ou sifat. Si il ne mentionne pas, il n'inclut pas al-tawhid al-ubudiyya, al-uluhiyya. C'est pour ça l'importance ici d'insister sur al-tawhid al-uluhiyya. C'est pour ça que certains savants, plus tard, hein, dans les siècles qui ont suivi, ont insisté sur At-Tawhid Al-Uluhiyya. Il y a même certains livres qui ont été écrits que sur At-Tawhid Al-Uluhiyya, comme Kitab Al-Ubudiyya. Et certains savants ensuite se sont concentrés hein, sur l'enseignement du Tawhid Al-Ubudiyya, de l'Uluhiyya, et d'enseigner Al-Uluhiyya. Wadah al-Kalam ? Donc on voit qu'ici que l'auteur lui-même, à travers ce qu'il a mentionné au début, il rassemble les différentes formes et catégories de Tawhid. Et les savants, lorsqu'ils ont mentionné ces différentes catégories de Tawhid, Al-Rububiyya, Al-Uluhiyya, Al-Asma, Al-Sifat, ça c'est par déduction après une profonde observation du livre d'Allah, du Coran. Et ceux qui lisent en méditant le Coran, vous allez voir que ces différentes formes et catégories de Tawhid sont exprimées et mentionnées dans le Coran. Il suffit pour une personne de méditer juste sur la Al-Fatiha par exemple, la sourate de l'ouverture. Et cette sourate qu'on récite constamment à chaque fois dans nos prières. Et bien, chaque jour, on récite Al-Fatiha. Regardez lorsque vous dites Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Tawhid Uluhiyya. Alhamdulillah, on est en train de célébrer la louange d'Allah. Alhamdulillah. C'est une adoration ou non? C'est une adoration. C'est le domaine du Tawhid dans l'adoration. Rabbil Alamin. On affirme que Allah est le Seigneur de l'univers. C'est lié à la seigneurie du Seigneur, la seigneurie d'Allah. Rabbil Alamin. C'est lié au monothéisme de la seigneurie. Tawhid Ar-Rububiyya. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Sens. Al-Asma wa Sifat. On pourrait traduire, hein. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ou rester sur le terme en arabe, les gens le comprennent. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Là, on a le monothéisme des noms et des attributs d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maliki yawmiddin. On a Ar-Rububiyya. Par exemple, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est toi dont nous adorons. Donc là, on voit At-Tawhid Al-Ubudiyya wa iyyaka nasta'in. Le Tawhid de l'adoration. Et on peut continuer. Ihdina sirat al-mustaqim. Tawhid de l'adoration. On implore Allah. On invoque Allah. C'est de l'adoration. Al-Ibada wa al-Ibada. C'est un dua. On implore Allah qui nous guide dans le droit chemin. Et le Nabi Sassam fait le hadith, il dit. Ad-du'a huwa al-ibada. Donc c'est, ça sous-entend, tawhid al-ubudiyya, al-uluhiyya, wa'akada. Yahdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, wala al-dallin. Tawhid al-uluhiyya. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Wad-du'a huwa al-ibada. C'est pour cela que, ces trois catégories de tawhid, vous voyez, juste en méditant, soit al-Fatiha, on voit que, eh ben, il y a la mention de ces trois formes de tawhid. Taïb. Ensuite, Shir dit, et là, écoutez bien. Laysa li'awwaliyatihi ibtida'un. ولا لآخريته انقضاء لا يبلغ كنه صفته الواصفين لا يبلغ كنه صفته الواصفون. Regardez ce qu'il dit ensuite l'auteur. Il dit il n'y a pas de commencement à son n'antériorité, ni de fin à sa postériorité. Et on va le comprendre d'une manière plus simple. Et les termes en arabe sont plus simples. Shir dit. L'auteur, lorsqu'il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a point de, ils traduisent comme ça, hein, point de commencement à son antériorité, ni de fin à sa postériorité, on va l'expliquer. يعني الله جل وعلا هو الأول والآخر. الله سبحانه وتعالى الله nous dit dans le Coran et on voit que ce que dit l'auteur ici il fait référence au verset 3 dans Sourate Al-Hadid, lorsqu'Allah dit Huwa al-awwalu wal-akhiru. D'une manière très littérale, pour mieux comprendre très simplement, il est le premier et le dernier. Ça, c'est d'une manière littérale. Je vous traduis d'une manière littérale les termes. Huwa al-awwalu wal-akhiru. On peut rester sur le terme en arabe. Allah Jalla wa Ala huwa al-awwal wa huwa al-akhir. Subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quel est le sens de cela? C'est cela que veut exprimer l'auteur ici. Puisque l'auteur nous parle de notre Seigneur. Et il nous a dit d'abord qu'il n'y a nul adoré véritable si ce n'est lui, et nul adoré en dehors de lui, et n'a ni de semblable, ni de ressemblant, ni d'enfant, ni de compagne, ni d'associé, la sharik alahu. Ensuite, il dit, il veut exprimer que « huwa al-awwal wa al-akhir ». C'est-à-dire, il est le premier et le dernier. Quel est le sens de cela? Cela, al-awwal wa al-akhir, le prophète Sansam l'a expliqué. Et le prophète Sansam a dit dans un hadith, qui est rapporté par l'imam muslim, Allah dit, Anta al-awwal, Anta al-awwal. Le prophète dit, tu es le al-awwal. On va traduire d'une manière littérale, comme on a dit tout à l'heure, tu es le premier. Quel est le sens de cela? Tu es le premier. Un nabi va le dire. Anta al-awwalu falaysa qablaka shay. Tu es le premier dans le sens. Maintenant, on va rester avec le terme en arabe. On peut maintenant, puisqu'on va comprendre dans ce qui suit le sens de cela. Anta al-awwal bimarna falaysa qablaka shay. Il n'y a rien avant toi. Il n'y a rien eu avant toi. Rien qablaka shay. Avant toi. Donc ça, c'est le sens de « Anta al-awwal ». « Wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay ». Et dans le sens de « l'akhir », qu'on traduit par le dernier de manière relative, « l'akhir bimarna falaysa ba'daka shay ». Il n'y a rien après toi. Il n'y a rien eu avant lui, et rien après lui, subhanahu wa ta'ala. C'est ça le sens de « al-awwal » ou « l'akhir ». Ensuite, le prophète dit « Wa anta al-zahiru falaysa fawqaka shay ». Et tu es si je vous traduis d'une manière apparente, « al-zahir » dans le sens, hein, « et tu es l'apparent ». Le prophète dit « et tu es l'apparent ». Quel est le sens de « al-zahir »?« Tu es l'apparent », c'est-à-dire « il n'y a rien au-dessus de toi ».« Anta al-zahir falaysa fawqaka shay ». Yani المتعالي على خلقه القاهر فوق عبادي. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala, il est al-zahir, traduction à rapprocher, hein, approximative, apparent, c'est-à-dire il n'y a rien au-dessus de toi, c'est-à-dire qu'Allah est au-dessus de tout. Et le fait qu'Allah est le Très-Haut, il est au-dessus de tout, ici, par sa dominance, sa puissance. Donc on a le fait qu'Allah est élevé au-dessus de tout, il est le très haut, subhanahu wa ta'ala, et Allah Jalla wa Ala domine tout, subhanahu wa ta'ala. فَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِي. Il est celui qui domine, le dominant, subhanahu wa ta'ala, au-dessus de ses serviteurs. Une traduction relative du verset, فَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ subhanahu wa ta'ala. Et وَأَنْتَ الْبَاطِنِ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فَلَا أَحَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. يعني لا أحد يعرف كيفية صفة الله جل وعلا وأما معناها فهو معلوم فلا يكيف كلامه ولا يكيف سمعه ولا بصره. Et lorsque on dit que Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis samaa. Yani, al-Shir dit La ahad ya'rifu kayfiyat sifatillahi jalla wa ala. Personne ne peut connaître ici al-kayfiyya concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kayfiyya, c'est le comment, la manière. Par exemple, un cheikh dit, personne ne peut connaître, ici, la manière dont parle Allah, la manière dont il voit, subhanahu wa ta'ala, dont il entend, subhanahu wa ta'ala. Il dit, la na'alam kayfiyyata. On ne connaît pas la manière, le comment, subhanahu wa ta'ala, wa haqiqataha, et sa réalité. Par contre, est-ce qu'on sait qu'Allah Jalla wa Ala entend tout? Na'am. Il voit tout? Na'am. Wa kayfala. Et comment dire le contraire alors qu'Allah dit wa huwa as-sami'u al-basir, subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie de la perfection. Lakin al-kayfiyya la na'lam. Fala yukayyaf kalamu wa la sam'u wa la basaru. Wadah al-kalam, vous comprenez? Le comment, on ne peut pas. On ne peut pas l'imaginer. Il ne faut pas s'imaginer. Fala na'lam, ça ne fait pas partie de la science qu'Allah Jalla wa Ala nous a donnée. Puisqu'on va voir qu'Allah Jalla wa Ala, allamana. Allah a enseigné à l'homme. Allah lui a donné du savoir et de la connaissance. Mais est-ce que ce savoir-là, il nous l'a donné? Ce savoir-là, Al-Kayfiyya, concernant le comment, la manière, la manière, c'est-à-dire le comment, le kayfiyyat, sifat, des attributs. Fa sifat, ma'lumat al-ma'na. Par contre, si on ne connaît pas Al-Kayf, le comment et la manière, est-ce qu'on connaît le sens? Naam. Par contre, le sens, on le connaît. Donc, Al-Kayfiyya, cela, personne n'a connaissance plutôt de cela. Personne n'a connaissance de cela, Al-Kayfiyya. Par contre, le sens, ce qu'on nomme Al-Marna, on a la connaissance du sens. Donc faites la distinction entre ce qu'on appelle Al-Kayfiyya ou Al-Marna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Hayya 'ala s-salah, hayya 'ala s-salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allah. اللهم رب هذه دعوة التامة والصدارة القائمة المحمد. Donc vous avez vu, on termine sur ce qu'on expliquait. Donc l'auteur nous expliquait dans ce point. Donc Allah Jalla wa Ala, ni de début, ni de début, ni de fin, dans le sens qu'il est al-awwal wa al-akhir. Et on a expliqué cela. C'est pour cela que dans son commentaire, Cheikh Abdel Mahsin Al-Abbad dit une chose, il dit que la manière dont s'est exprimé l'auteur, Ibn Abi Zayd, est meilleure, cette formule-là et cette expression-là, utilisée par Ibn Abi Zayd, ici, dans ce qu'on vient de lire, est meilleure que l'expression utilisée dans At-Tahawiyyah. Dans la Tahawiyyah. Al-Imam At-Tahawi fi aqidati ahli sunnati wal jama'a, lui il dit qadimun bil ibtida wa da'imun bil intiha. Qadimun bil ibtida wa da'imun bil intiha. Et lui, Cheikh Abdelmassal Abad, il considère que l'expression d'Ibn Abi Zayd est, on va dire, préférable. Dans le sens qu'Ibn Abi Zayd est en concordance avec le verset. Il utilise, en quelque sorte, les termes utilisés dans les versets Al-Awwal wa Al-Akhir. Et dans ces sujets-là, il est préférable de rester sur les termes utilisés dans les textes, dans le Nusus. Lorsqu'on dit Al-Awwal, c'est-à-dire, il n'a pas été précédé par le néant. Al-Shir Diab dans son commentaire, Ma'na qawli Ibn Abi Zayd, هذا أن الله لم يسبقه عدم سبحانه وتعالى. الله n'a pas été précédé par le néant, العدم. ولا يلحق ولا يلحقه عدم سبحانه وتعالى. أما المخلوقات فلا بداية سبقها عدم. Mais en ce qui concerne les créatures, on dit qu'elles ont un début. Lorsqu'on dit qu'elles ont un début, dans le sens qu'elles ont été précédées par le néant. Avant leur existence, les créatures, avant cette existence-là a été précédée par quelque chose qu'on appelle Al-Adam. Al-Adam. Fa al-makhluqat falaha bidaya bimarna sabaqaha adam. Walaha nihaya yalhaquha adam. Et elles ont une fin. Et ensuite, elle a une fin. Tandis qu'Allah Jalla wa Ala huwa al-awwal wa al-akhir. Subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne, vous allez vous poser une question. Baqa'u al-jannah wa baqa'u al-nar. Le fait que le paradis ensuite, le paradis vous savez, et l'enfer, ils sont créés. Ils sont existants. Ils sont présents. Allah, ça y est, a créé le paradis et l'enfer. Ça fait partie de la croyance des gens de la sunnah. Que le paradis et l'enfer sont prêts, ils sont créés et existants. Et il n'y a point de fin pour le paradis ni pour l'enfer. Point de fin. Sauf que le paradis et l'enfer font partie des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que Ash-Shir dit, et comme l'a dit l'imam Tahawi, ou plutôt le commentateur Ibn Abil Izz, Ibn Abil Izz est celui qui a fait l'explication de la aqidah tahawiyya. Il a expliqué. Il dit wa baqa'u al-jannah wa an-nar laysa li dhatihima. Le fait qu'ils vont perdurer, ce n'est pas par rapport à leur entité même, leur essence même. Par rapport à l'enfer ou le paradis, c'est le paradis ou l'enfer qui décide de perdurer. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés et qui a créé le paradis et l'enfer, et qui a décrété le fait que le paradis et l'enfer perdurent. Wa faqala bal bi ibqa'i llahi lahuma. Wa lidhalik yaqul Ibn Abi al-Izz wa baqa'u al-jannati wan-nar laysa li dhatihima bal bi ibqa'i llahi lahuma. Prenez-le comme ça en arabe, retenez-le en arabe comme ça, c'est ce que rapporte dans son commentaire Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad. Donc c'est une très belle faïda importante pour bien qu'on comprenne. Et lui, l'auteur, lui, nous a expliqué donc le sens de Al-Awwal ou Al-Akhir. Et le Nabi Sassam dans le hadith, il le dit. Lorsque le prophète Sassam a expliqué ici le terme Al-Awwal, faqala, anta al-awwal falaysa qablaka shay. Allah est le premier, il n'y a rien eu avant lui. Subhanahu wa ta'ala, il n'y avait rien. وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٍ. Et tu es le dernier dans le sens, الْآخِرُ, il n'y a rien après toi, subhanahu wa ta'ala. Je pense qu'on va s'arrêter là, puisqu'ensuite on va commencer un autre sujet, qu'on comprendra demain, si Allah nous le permet, Inch'Allah. si Allah nous le permet, subhanahu wa ta'ala. فنحمد الله جل وعلا ونسأله التوفيق والسداد والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك